La légende de Noël. Alors qu'on rentrait au village, un hurlement épouvantable fit trembler la forêt. Ça ressemblait à une plainte furieuse. Ujala n'avait pas dû apprécier notre visite. Nora déposa le sac et vacilla. Elle s'appuya contre un arbre essoufflé. Fais pas cette tête, mon petit. C'est juste un problème de vieillerie. C'est plus de mon âge de gambader comme ça dans la forêt. Je dois juste faire un petit somme. Qui dura plus d'une journée. Quand elle fut réveillée, on pressa les rayons des ruches pour en extraire le miel. On terminait notre récolte lorsque Noël revint avec les œufs. Nora sortit de son incroyable sac tous les ustensiles et les ingrédients nécessaires à la préparation des pains d'épices. Il ne nous manquait que de quoi les faire cuire. Alors, Nora traça au sol un grand cercle parsemé de motifs. Elle récita une prière, le cercle s'illumina et sous nos yeux ébahis, la terre se modela en un four. Bientôt, 20 pains d'épices fumants luisaient comme des lingots. Nora et Noël les emballèrent avec soin. Avant de partir sauver ma tribu, on prit le temps de réviser notre stratégie. Un spectacle de désolation s'offrait à nous. La forêt donnait l'impression d'avoir été arrachée par un géant. La nature bouillonnait de colère, mais le chant de ma tribu l'empêchait toujours d'exploser. Nous voyons approcher un homme mince, le visage usé, les cheveux en bataille, trottina jusqu'à nous. Un lourd trousseau de clés à sa ceinture battait la mesure. « Vous n'avez rien à faire ici, dégagez !»« Le seigneur régent nous a envoyés pour vous offrir ces gâteaux. »« Baliverne !»« Et pourquoi ça ?»« Notre seigneur régent n'est pas du genre à faire des cadeaux. »« Alors que vous fournissez un bois aussi précieux ?» Alors que sans vous, nous perdrions un précieux avantage. Notre seigneur régent est dur, mais juste. Ce petit, c'est l'espoir d'un grand pâtissier du château. Il a travaillé dur pour vous offrir son meilleur pain d'épices. Qui me dit qu'ils ne sont pas empoisonnés? Comment osez-vous? Si vous le souhaitez, je peux les goûter. Faites. Voilà. Bien. Donnez-moi un morceau. Oh, quel délice. J'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Les gars, faites donc une pause. Venez déguster ce que notre seigneur régent nous offre pour nous récompenser de nos efforts. Maintenant que les gardes sont occupés, comment Imi va sauver sa tribu? Vous le saurez au prochain épisode.